Avec vos débats. Et dans ma tête, y'a personne qui dépasse. Tu pètes un peu, reviens à la case départ. L'album est dans les bacs. Poto, il va faire mal. On en a marre du hall. On a trop galéré. J'ai changé le fusil d'épaule. Je vais pas tarder à serrer. J'suis pas là, que des balles. J'me balade, loin de Paname. On est dans les annales. J'suis dans le mal. Et j'suis perdu. Même tes rêves peuvent rayer tes gens. Allez, laisse-les parler, ils ont rien de méchant. Ils font ça pour le regard des gens. Allez, laisse-les parler, moi je t'échante. Même tes rêves peuvent rayer tes gens. Allez, laisse-les parler, ils ont rien de méchant. Ils font ça pour le regard des gens. Et je suis perdu. Je zone, je zone, je zone. Je zone, je zone, je zone. Je zone, je zone, je zone. Je zone. Je zone, je zone, je zone, je zone, je zone, je zone.